darling, I love you, you know that tonight. Darling, I love you, you know that tonight. You lie, you lie, lie, lie, lie. Darling, I love you, you know that tonight. Darling, I love you, you know that tonight. Darling, I love you, you know. Thank you.

So I spent some on the who played that song for me. It's bring back memory of day that I was new. Today that I spent with you. Oh no, don't let it play. Oh, mama, mama, mama, my. Just hit up on my end, you won't. I'm a bit different of my honesty to make you know. Whoop, I'm innocent. I'm not too something more to surfing up the mind. If you want my skills, taking off the jump in my fatigue. Je vais chanter en français si ce n'est pas un nom. Fallité peut nous être aliénés. I'm looking for lyric. Just a minute, please, my friend. Yo, ma ma ma ma ma ma ma ma. I have been standing fronting on the hammer. Aliénés. sur le papier, nous sommes libres et égaux. C'est écrit dans l'article premier, bien dommage que ce ne soit que les mots. Milliards d'âmes sont touchées, les droits de l'homme restent ignorés, la liberté de vivre et de s'exprimer distancée par la réalité. Il n'y a qu'à voir comment on laisse les peuples opprimés respire la dictature de quelques fous. Les signataires deviennent aveugles et sourds. Leur engagement ne pesait pas bien lourd. Et c'est tous libres ou tous laissés sur la rive quand la liberté est collective. Elle n'a ni visage ni couleur de peau, mais manque de souffle sous certains drapeaux. Yeah, est-ce que tu es free man? Est-ce que t'es free man? Est-ce que t'es free man, man, man? Est-ce que t'es free man, oui? Faux Théo, Mr. Théo, I sing in French, I'm sorry for you. It's a French song. This song talk about free man. Mr. Theo, are you free man? Or are you free man? Come on, Theo. Give me the vocoder. Thank you. 我是分享三个梦境的电话 Bye-bye. Au bain de minuit, oh la la la, di da.

Thank you.